Chapitre 31e. Sir Everard et Lady Frances trouvèrent Lord Blatchmardean dans un champ, occupé à examiner une nouvelle charrue. Lui aussi ne put réprimer une exclamation de surprise, en apercevant Sir Everard plus pâle encore et plus défait qu'avant son départ. Après de chaleureuses salutations et un échange de questions réciproques sur leur santé respective, le duc dit à son interlocuteur « Croyez bien qu'il n'y a pas de pays comme la vieille Angleterre. Les senteurs de la terre nouvellement labourée sont encore plus vivifiantes que le climat des latitudes méridionales et que les eaux minérales. Vous avez l'air positivement moins bien portant encore que lors de votre départ. Mais cela peut tenir aussi à la fatigue du voyage. J'ai voulu donner à ma fille un aperçu de l'Italie. Nous nous serons surmenés tous deux. Il y a de bien tristes nouvelles de Morton. Est-il réellement si malade qu'on le prétend? J'ai vu Jeb hier soir. Il paraît fort inquiet de l'état de son client, que la fièvre mine depuis 6 semaines. Qu'il soit en délire ou non, le désir de la mort est chez lui une idée fixe, ce qui est toujours de très fâcheux augure. La présence de Miss Courtenay pourra peut-être dissiper ses tristes pensées et déterminer une crise favorable. Dulcie a rendu sa parole à Morton. Comment? C'est elle que je vous le dis. J'ai un grand service à vous demander, cher duc. Et comme il s'agit de Dulcie, vous comprendrez et vous excuserez, j'espère, mon indiscrétion. Voulant la distraire des pénibles souvenirs que va réveiller en elle le séjour de Fairview, j'ai prié Lady Frances de venir passer quelque temps avec nous. Elle y a consenti sans hésiter, et je viens solliciter de vous, comme une insigne faveur, de ne pas mettre obstacle à la réalisation de ce plan. Comme je veux être seul. Songez donc que je n'aurai personne avec qui faire ma partie d'échecs, personne pour me servir le thé. Mais après tout, il ne faut pas être égoïste, et ne songer qu'à soi. Je ne veux pas contrarier vos projets, puisque Fan a accepté votre invitation. J'aurais trop mauvaise grâce à m'interposer dans ce petit complot. Il faut d'ailleurs que Dulcie soit pour elle un aimant bien irrésistible, car jusqu'à présent ma fille a toujours refusé toute proposition analogue. Vous oubliez, mon père, qu'il s'agit cette fois-ci d'un service à rendre. Eh bien, soit alors. J'irai sous peu savoir comment vous vous acquittez de votre mission. Seulement, n'oubliez pas qu'en partant, vous emportez toute la joie de cette maison, tout le bonheur de votre père. Vous oubliez les instruments aratoires, qui contribuent aussi pour une large part. À quand votre prochaine visite à Fairview? Mais à quand votre départ? J'ai la prétention d'enlever à l'instant même Lady Frances, dit à son tour Sir Everard. Puis-je partir, père? Comme il vous plaira, mon enfant. Je ne saurais commencer maintenant à faire de l'autorité avec vous, il est trop tard. Mais je ne demande qu'une chose, c'est que vous ne vous plaigniez pas de votre sort. Bon et excellent père, voilà la vraie manière de se faire aimer. En disant ces mots, elle lui sauta au cou et l'embrassa tendrement. Sir Everard remercia Lord Blatchmardean avec effusion, puis il reprit avec Lady Frances la direction du château, laissant le duc à l'examen de ses charrues perfectionnées. Miss Moulton ne dissimula pas sa surprise en apprenant le départ de son élève pour Fairview, car il n'y avait jamais eu de véritable intimité entre les deux jeunes voisines. Puis, comme elle ignorait encore que l'engagement de Dulcie et de Morton était rompu, elle s'étonnait, à juste titre, que Fan trouvât le moindre charme à troubler leurs doux tête à tête. Lady Frances embrassa sa vieille gouvernante une demi-douzaine de fois, et après 1000 recommandations faites au vol, elle s'élança légère comme l'oiseau sur la banquette du phaéton, où Sir Everard avait déjà pris place, car c'était lui qui conduisait. Sa belle tournure ressortait encore davantage sur le siège élevé de la voiture. Si le visage mâle et réfléchi du noble Automédon indiquait la fermeté et la force de caractère, son regard, énigmatique et profond comme celui du sphinx, avait tout l'attrait d'un mystère. Toute surprise que fut Dulcie en voyant arriver Lady Frances à Fairview, elle lui fit quand même le plus cordial accueil. Il assure pourtant que la société de cette compagne inattendue ne devait être rien moins qu'agréable à Dulcie, qui depuis le jour où son père avait exigé d'elle qu'elle renonçât à épouser Morton, ne doutait plus que Lady Frances ne lui eût ravi le cœur de son fiancé. Sa physionomie trahissait malgré elle le trouble qui l'agitait. Lady Frances, passant son bras autour de la taille de sa jeune amie, lui exprima affectueusement le regret de la voir si mélancolique, si triste. « Si mélancolique ? » répéta Dulcie. Mon père ne vous a-t-il donc pas dit que mon mariage avec Morton est rompu? Si fait, j'en étais des plus étonnés, je vous assure, vraiment. et comment aurait-il pu en être autrement ? Parce que j'ai toujours pensé que vous n'étiez pas pour rien dans la détermination que mon père a prise de me faire rompre avec Morton. Qu'entendez-vous dire ? À part les francs, il me semble que vous avez à vous plaindre de lui. Voyons, avez-vous eu lieu de l'accuser d'inconstance, d'infidélité ? Pas précisément. Mais ses sentiments ont pu changer. Il s'est sans doute aperçu que je ne lui avais inspiré qu'une fantaisie passagère et que son cœur appartenait depuis longtemps à une autre. En un mot, qu'on revient toujours à ses premières amours. Vous ne vous imaginez pas, je présume, qu'il m'ait jamais aimé. Si, je l'ai cru et je le crois encore. Et c'est pour cette raison que vous avez renoncé à Morton, quelle folie ! Mon père ayant exigé de moi que je lui rendisse sa parole, il m'a paru que ce motif seul avait pu le déterminer à agir ainsi. La vérité est que Morton m'a toujours traité avec le suprême dédain d'un frère pour sa sœur. Mes goûts masculins de chasse, d'équitation, lui déplaisent au suprême degré. Il n'y a pas jusqu'au costume que j'ai adopté, façon tailleur, qui ne soit l'objet de ses critiques. Voilà la vérité, toute la vérité. Vous êtes une fille d'une admirable soumission. Ce n'est pas moi que mon père ferait ainsi obéir à l'aveuglette. Après tout, pourquoi tant récriminer sur le fait accompli ? Le temps vous consolera comme les autres. Qu'en savez-vous ? Pauvre chère petite, j'ai plus d'expérience que vous. Si vous avez eu des chagrins de cœur, alors nous pourrons nous comprendre et nous épancher mutuellement. Non, ma chérie, non. Chez vous, comme chez moi, la blessure n'est pas encore suffisamment cicatrisée pour qu'on puisse impunément mettre la plaie à découvert. Parlons d'autre chose, ce sera plus sage. Que ce boudoir est agréable, s'écria-t-elle sur un autre ton. Quelle élégance, quel goût, quel confort dans tous les objets qui vous entourent, quel magnifique piano. C'est un présent de mon père. Êtes-vous favorisé du sort ? Mon père à moi ne m'a jamais rien donné que des baisers. Quelle nature généreuse et sympathique que celle de Sir Everard. Tout le monde, malheureusement, ne la comprend pas. C'est le fait de tout ce qui n'est ni banal ni vulgaire. Mais comme il paraît toujours sérieux et mélancolique. Il ne s'est jamais consolé de la mort de ma pauvre mère. Après ce coup terrible, il partit pour le continent. J'avais 7 ans lorsqu'il revint de ses lointains voyages. Il m'avait comblé aux soins d'une tante. Il me ramena à Fairview avec lui, et à partir de cette époque, nous ne nous sommes plus jamais quittés. Notre affection n'a cessé de se développer de jour en jour. Le voyant toujours si triste, si malheureux, je me suis fait un devoir de lui obéir en toutes choses. Vous venez d'en donner une preuve assez éclatante. Au reste, il n'est ni dans mon rôle, ni dans mes intentions de vous pousser à la rébellion. Je ne peux que vous admirer. Quel noble cœur que celui qui reste fidèle pendant 20 ans à la mémoire d'un souvenir. Combien d'hommes dans la position de Sir Everard se seraient remariés après quelques années de veuvage. Tout en faisant ainsi l'éloge de Sir Everard, il n'en semblait pas moins de plus en plus inexplicable à Lady Frances qu'il eût exigé la rupture du mariage de Dulcie avec Morton. Et l'impression que lui avait faite la physionomie mystérieuse de Sir Everard fut loin d'être dissipée par ce qu'elle venait d'entendre. Après avoir tour à tour causé et joué du piano, les deux amis mirent leur sombrero et se dirigèrent vers le jardin. Le temps était magnifique, l'air léger, le ciel transparent. La terrasse, lumineuse et bien ensoleillée, invitait à la marche. Les deux amis, après l'avoir longtemps parcouru de long en large, parlaient de rallier la maison lorsque Dulcie aperçut quelqu'un qui s'avançait vers elle. « Elizabeth Hardman ! » s'écria-t-elle. « Je vous engage à faire semblant de ne pas la voir, » riposta Lady Frances. « Sir Everard ne se soucie pas que vous liiez conversation avec elle. » Pourquoi cela ? Élisabeth est la bonté et la grâce personnifiée. Puis elle me parlera de Morton, et cela me fera tant de bien. Je me demande souvent ce que l'on doit penser de moi dans la famille. Tout le monde est persuadé que vous n'avez fait qu'obéir aux injonctions de votre père. Oui, mais personne ne se doute combien il m'en a coûté pour écrire ce que j'écris. Allons, croyez-moi, prenez cette allée derrière ce buisson, et moi je me charge de tout expliquer. Je me refuse nettement à faire une pareille impolitesse à quelqu'un dont je n'ai jamais eu qu'à me louer, et qui a droit à tous mes respects et à toutes mes sympathies. » À peine Dulcie avait-elle achevé ces mots qu'Elizabeth Hardman l'abordait avec une froideur glaciale. « Vous avez sans doute appris, lui dit-elle d'un ton ému, que... »« Appris quoi ? » ?»« Je ne sais absolument rien. »« Comment, mais qu'il est très malade, qu'il est en danger. »« Qui, de grâce, expliquez-vous ? » ?»« Morton, oui, Morton se meurt, et par votre faute. » Vous êtes bien cruel d'apprendre avec tant de brutalité la triste réalité à Dulcie, dit Lady Frances à Elizabeth Hardman. Il faut bien que quelqu'un lui dise la vérité. Il n'y a pas lieu de supposer d'ailleurs qu'il y ait là rien de si pénible pour elle. De grâce, ne parlez pas ainsi et surtout ne me dites plus que les jours de Morton sont menacés. Je n'exagère rien. La médecine se déclare impuissante à le sauver. Une grande surprise, une émotion pourrait seule, peut-être, déterminer une crise favorable, inespérée. Vous qui l'a tant aimé, voulez-vous venir avec moi, Tingley? Le temps presse. Je vous suis, sans hésitation, pardon. Dulcie, s'écria Lady Frances d'un ton impérieux, vous oubliez ce que vous avez promis. J'ai promis de ne pas l'épouser, mais non de ne jamais le revoir. Vous expliquerez tout à mon père. Pour rien au monde, je n'oserais affronter sa colère. Non, Dulcie, non. Vous ne songez pas sérieusement à vous rendre coupable d'une telle inconséquence. Je ne puis que vous répéter ce que je vous ai dit, reprit Elizabeth Hardman en s'adressant à Dulcie. La voiture est là. Quel bon effet peut-on espérer de cette démarche dans l'état où est Morton? Aucun, peut-être. Mais dans son délire, le nom de Dulcie revient sans cesse sur ses lèvres, et vous savez que les derniers désirs d'un mourant sont choses sacrées. Mon Dieu, s'écria Dulcie, accordez-moi la grâce de le revoir encore. Son parti était pris. Elizabeth monta la première dans la charrette anglaise de Miss Blake et saisit les rênes. Dulcie prit place à côté d'elle. Le domestique s'élança d'un bond sur la banquette de derrière, et le cheval partit à une vive allure, comme s'il eût compris qu'il n'y avait pas de temps à perdre. « Depuis combien de jours Morton est-il malade ?» demanda Dulcie à sa compagne. « Il y a de longues semaines déjà. Nous avons d'abord attribué son malaise aux ennuis et aux désappointements de son échec électoral. Il était nerveux, se plaignait d'insomnie, de manque d'appétit. Ensuite, le mal s'est aggravé. Le médecin a craint d'abord une fièvre cérébrale, puis une méningite. Il est clair pour moi qu'il n'a pas encore reconnu l'ennemi qu'il a à combattre. Nous ne pouvons qu'obéir aux prescriptions du docteur. Mais devant l'aggravation persistante de la maladie, il est permis de chercher autre part une chance de salut, une lueur d'espoir. Vous serez libre de ne voir personne en dehors de Morton, Dulcie. Je préfère qu'il en soit ainsi, car je ne me dissimule pas que Miss Blake et ses nièces doivent être très mal disposées pour moi, et pourtant, Dieu sait ce qu'il m'en a coûté pour agir comme j'ai fait. Nous entrerons dans la chambre de Morton par l'escalier de service, de façon que personne ne vous voit, sauf la vieille Peggy, qui partage avec moi le soin de veiller le malade. Elizabeth montra le chemin à Dulcie, puis, arrivée à la porte de Morton, elle fit passer devant elle sa compagne. Morton divaguait, mêlant sans cesse le nom de sa fiancée à des phrases sans suite, à des mots entrecoupés. Puis il se souleva sur son oreiller, promena un œil hagard autour de lui et appela Dulcie à plusieurs reprises. Un instant après, il la serrait contre son cœur. « Mon bien-aimé, s'écria-t-elle, c'est moi, me voilà, mon Dieu, mon Dieu !» La voix de Dulcie rendit un moment à Morton conscience de la réalité. « Voilà votre œuvre, dit-il, vous m'avez frappé au cœur. Il vaut mieux que nous soyons à jamais séparés. Trahison contre le mort, trahison contre le vivant. Ah, ciel !» Puis il retomba inerte sur son oreiller. Dulcie s'assit sur le pied du lit, prit dans ses mains celle de Morton et les couvrit de tendres baisers. Son cœur, pour la première fois, se révolta contre l'autorité paternelle. Pourquoi lui avoir imposé un tel sacrifice? Elle savait maintenant qu'il n'y avait pas lieu de craindre que le cœur de Morton appartînt à Lady Frances. Non, il lui restait fidèle jusqu'à la tombe. Il n'avait été payé en retour de tant d'amour que de la plus noire, la plus inqualifiable ingratitude. Un silence profond régnait dans la chambre de Morton. On n'entendait d'autre bruit que celui des cendres qui tombaient de la grille sur le foyer. Dulcie prêtait toujours une oreille attentive. Bientôt, elle saisit ces mots au milieu des phrases incohérentes prononcées par Morton. « Merci, ma chère Dulcie, d'être venue ici. Il m'a été bien doux de vous revoir même une fois. Mais un obstacle invincible se dressa jamais entre nous. Votre père a agi comme il devait le faire, en s'opposant à la réalisation de nos vœux les plus chers. C'est le seul de ces actes devant lequel je m'incline sans protester. » Dulcie, effrayée de l'extrême faiblesse de Morton, de sa pâleur livide, n'osait l'interroger. Elle se demandait s'il était ou non en délire, et attendait avec anxiété que d'autres paroles tombassent de ses lèvres tremblantes et décolorées. Il resta quelque temps silencieux, puis, Tout à coup, il poussa un gémissement douloureux qui indiquait une amère angoisse et s'écria « Le fils de l'homme assassiné avec la fille du meurtrier, non, non, ce serait infâme !»